Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, 1943, Joseph Kessel s'engage dans la France libre. La résistance, c'est peut-être la période de ma vie où j'ai appris le plus de choses. C'est là que j'ai vu le plus de dévouement, de courage, de fraternité, dira-t-il. Pourtant, des aventures, des voyages, des risques, des combats aériens même, des amours et des amitiés exceptionnelles, Joseph Kessel, écrivain et journaliste, en avait connu déjà beaucoup avant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour ce juif russe, né par hasard en Argentine, immigré longtemps apatride, qui avait fait de la France sa patrie d'adoption et de littérature, le combat contre Hitler et pour la liberté sonna comme une évidence à l'heure des périls. Résistance en France, puis échappant de peu à une arrestation en janvier 1943, il réussit après un long périple à rejoindre l'Angleterre, ce que si peu d'intellectuels français ont fait. Le souhait de Kessel, combattre dans les rangs de la France libre du général de Gaulle. Mais entre interrogatoires des services de renseignement et longues beuveries dans les bars londoniens, le bouillant et angoissé Kessel devra attendre, attendre encore, avant de pouvoir partir au combat. Mais l'attente ne sera pas vaine. C'est dans ces heures d'incertitude que Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon écriront la chanson de la résistance, le chant des partisans, dont il dira « Peut-être est-ce là tout ce qui restera de nous ». France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Olivier Weber, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et grand reporter, lauréat de nombreux prix, dont le prix Albert Londres et le prix Joseph Kessel. Kessel, justement, fait partie, je pense, des écrivains avec Jack London et Joseph Conrad, qui ont compté, je crois, dans votre vocation. Oui, beaucoup, parce que double vocation, ce sont des écrivains de l'aventure et des écrivains tout court, parce que on les a trop souvent confondus avec le baroud, mais le baroud n'était qu'un prétexte, qu'un alibi, ce qui était vraiment important pour eux et pour Kessel en l'occurrence surtout, c'était pas tellement l'aventure que l'aventure humaine, que le décor intérieur. Donc voilà, c'était et l'amour des hommes et l'amour des hommes, donc de l'humanité. Vous avez publié récemment le dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. Cet homme, Joseph Kessel, difficile de pas tomber amoureux ou amoureuse de lui, qu'on soit homme ou femme. C'est un homme extraordinaire, attachant, séduisant, dont on peut lire encore aujourd'hui ses livres avec un grand intérêt. Oui, tout à fait. Il est vraiment d'actualité. Et puis, deuxièmement, alors, je ne l'ai pas connu. J'étais trop jeune, évidemment. Enfin, j'étais même tout petit, d'ailleurs, lorsqu'il est décédé. En 79. Et, voilà. Et, né en 1898. Oui, absolument. Et je pense que c'est quelqu'un que vous et moi, que les auditeurs auraient apprécié, parce que tous ses amis que j'ai pu connaître ensuite disaient que c'était quelqu'un d'extrêmement attachant, d'extrêmement fraternel, d'extrêmement fidèle, beaucoup moins avec les femmes. Oui. Et c'était quelqu'un aussi qui avait non seulement l'amour pour les hommes, mais aussi pour les femmes. C'était peut-être une époque, ouais. Et c'est quelqu'un vraiment qui nous a inspiré pour beaucoup d'écrivains voyageurs, de grands reporters, parce que voilà, ça va de l'Afghanistan au Yémen, à Israël ou à d'autres pays, les grands espaces africains, un peu comme Hemingway, et puis les guerres aussi, qu'il a su, je dirais, transcender, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas en extraire le meilleur pour parler justement de ces victimes, raconter ce qui se passe à l'intérieur par le petit quotidien, on va dire, la grande histoire et la grande histoire des hommes et des femmes. Eh bien, l'histoire justement que je vais raconter ce soir commence en 1943, alors que Kessel vient de débarquer en Angleterre avec son neveu Maurice Druon, futur académicien. Alors c'est déjà Kessel un homme mûr, il a 45 ans, voilà. Ouais. C'est un écrivain et un journaliste reconnu à ce moment-là déjà. Oui, tout à fait. Donc romancier, c'était déjà un grand combattant puisqu'il a été à 18 ans engagé dans la Première Guerre mondiale. À l'époque, on montait dans un avion pour être opérateur radio, artilleur, puis on devenait pilote. Pourquoi ? Parce que les As des As, les fameux pilotes de ces biplans qui tombaient beaucoup, eh bien, ne revenaient pas sur les bases. Et lui, il a vu ça donc en 1917-1918. Donc lui, c'est déjà un monsieur connu absolument qui a écrit des romans, qui est adulé par le public. Oui, le livre qui l'a rendu célèbre, c'est en 1923. C'est L'équipage qui parle justement de son expérience de la Première Guerre mondiale. Il a 25 ans quand il l'écrit, et c'est l'histoire, comme disait De Gaulle, le premier roman sur l'aviation moderne, parce que vraiment, l'avion fait son entrée dans la guerre en 14-18, mais c'est moins un roman sur l'aviation moderne qu'un roman d'amour, et le roman d'un amour mal partagé entre deux hommes qui ne savent pas qu'ils partagent la même femme. Entre un commandant et un autre pilote de la base aérienne, d'ailleurs c'est une histoire qui est arrivée apparemment au Joseph Kessel, et donc c'est un ménage à trois, et c'est un roman d'amour, mais aussi d'amitié pratiquement trahi, je n'en dirai pas plus. Et c'est le succès média, c'est à peu près 250 000 exemplaires. Vous vous rendez compte, à l'époque, c'est énorme. Et aussi, on voit un homme qui a du courage, vous venez de le dire, il s'est engagé dans l'aviation, engagé volontaire, hein, et il n'est même pas français à ce moment-là. Il n'a pas la nationalité française qui n'acquerra que des années plus tard. Tout à fait, absolument. Donc c'est encore un apatride et un juif russe qui s'engage, un peu comme Romain Gary quelques années plus tard pour la Deuxième Guerre mondiale. Il lui ressemble beaucoup. Il lui ressemble beaucoup et tous les deux d'ailleurs ce sont à la fois des écrivains et des écrivains engagés. Et son parcours politique justement à Kessel, quel est-il? Alors, c'est très drôle parce que il n'a jamais vraiment voulu voter. Il dit lui-même, je n'ai jamais voté de ma vie, sauf dans une belle institution qui est la Coupole, c'est-à-dire l'Académie française. Et en fait, il avait quand même quelques engagements politiques, mais lorsqu'il est assez ami avec Jean Mermoz, qui va mourir à 35 ans, le fameux pilote de l'aéropostale, Jean Mermoz devient un militant de l'extrême droite et du fameux mouvement des Croix de Feu, qui s'est illustré avec les manifestations de la place de la Concorde en février 34, qui ont fait quand même beaucoup de morts. Et Kessel n'a pas voulu rompre cette amitié. Pour lui, l'amitié, c'était sacré. On était amis ou ennemis à vie ou à mort. Eh bien, Mermoz, il a pris ses distances, mais il est resté ami parce que lui ne voulait pas Kessel devenir un homme et un journaliste politique. Et comment se positionne Kessel au moment de la défaite de la France en 1940? Oui, alors c'est une bonne question parce qu'il est encore reporter de guerre. D'ailleurs, il est sur le front de la drôle de guerre à Nancy. Et il hésite quand il y a la défaite. Il hésite parce que il porte une admiration pour les vainqueurs de 14-18, donc pour Pétain. Il ne va pas s'engager tout de suite dans la résistance. Il a des propositions pour partir lorsqu'il est à Lisbonne en 40 vers Londres. Il refuse, il revient en France. Et donc, oui, il est un peu perturbé par cela. Il finira quand même par rejoindre la France libre. Pour rappeler quand même une chose importante, il est juif. Et donc, oui, là-dessus, il est assez clair. Il voit bien que ses amis, ses anciens amis d'extrême droite sont antisémites, pour tout la plupart. Tout donc, à fait. Ça fait peut-être là la différence aussi. Oui, ça fait la différence. Et l'amener à s'engager. C'est d'autant plus contradictoire qu'il a créé un journal qui s'appelle Gringoire, qui va lui échapper, qui va devenir antisémite. Mais simplement, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'un des premiers romanciers écrivains à dénoncer les camps de concentration avant même la guerre, avant même 39. Ça s'appelle La passante du sans-souci. Il avait écrit un très long article sur le nazisme montant en Allemagne en 1933. Personne n'avait lu l'article. Il en a fait un roman. Et c'est un livre qui dénonce déjà les camps de concentration avant même la guerre. Donc il savait que ça allait basculer. Olivier Weber, je vous propose d'atterrir avec Joseph Kessel en Angleterre. Allez, on y va. On est en janvier 1943 et on se retrouve tout à l'heure. 1943, Joseph Kessel s'engage dans la France libre, un texte de Taddy McNamara, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Cédric Ossir. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres pour arriver en Angleterre. La seule terre de liberté qui existe encore. Des femmes et des hommes opprimés, des clandestins, des prisonniers évadés des camps. Ils attendent, discutent, jouent aux cartes, s'occupent comme ils peuvent. Partout, des piles de journaux et de livres. Ils se sont mis en marche pour venir jusqu'ici, avec comme titre de transport la ruse, le déguisement, la soif de liberté. Ici, chacun est examiné, interrogé et interrogé encore. Qu'un seul espion passe entre les mailles du filet et le mal serait incalculable. Des Espagnols et des Tchèques, des Norvégiens, des Belges, des Polonais, face de brutes ou doux visages, originaires de tous les pays occupés. Aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours senti comme eux, d'ici et d'ailleurs, un voyageur, un exilé. Janvier 1943, près de Londres. Joseph Kessel, journaliste, romancier et résistant, vient d'arriver en Angleterre avec son neveu, le jeune Maurice Druon, et avec sa compagne, la chanteuse Germaine Sablon. Après avoir traversé les Pyrénées, ils ont gagné en hydravion l'Angleterre, où Kessel souhaite ardemment s'engager dans les forces françaises libres du général de Gaulle. Avant de partir, Joseph Kessel a installé sa mère sous un faux nom dans un hôtel de province. Il a aussi pris soin d'enterrer au fond d'un puits son bien le plus précieux, le manuscrit des deux premiers volumes d'un roman inédit, Tour du malheur. Cueilli à l'aéroport de Bristol par des agents de renseignement britanniques, Joseph et Maurice ont été conduits jusqu'au Patriotic School, un ancien collège de jeunes filles près de Londres, où tous ceux qui ont fui l'Europe sans passeport sont questionnés par des officiers du service de contre-espionnage britannique. Reprenons tout depuis le début, voulez-vous ? 3 jours que ce capitaine me cuisine, au cas où je serais un imposteur. Mon enfance, mes amitiés, mes reportages, tout y passe. Une seule erreur et c'est foutu. Je reste ici pour toujours. Kessel, Joseph. Mes amis m'appellent Jeff. Lieu de naissance ? Je suis né en Argentine, de parents russes. Arrivé en France à l'âge de 4 ans, puis reparti, puis revenu à l'âge de 10 ans. À Cannes, n'est-ce pas ? Non, à Nice. C'est ce que je voulais dire. Nous avons parlé de votre carrière d'écrivain et de journaliste. Venons-en à la résistance. Quel rôle y avez-vous joué ? 1941, ça a été la fin des illusions. Nous, les Juifs, on a été les premières victimes. À l'automne, j'ai rejoint le groupe CART sur la Côte d'Azur. Germaine en faisait déjà partie. Germaine Sablan, votre épouse ? Ma compagne. Mon épouse se nomme Katia. Votre vie est un roman, monsieur Kessel. Il rit, mais ses yeux ne sourient pas. Même Charlie Chaplin devant lui aurait l'air d'un espion en puissance. En décembre 1942, vous avez quitté la ville d'Aguet pour tenter de passer les Pyrénées. Avec Germaine et Maurice, oui. Vous êtes venu à Londres pour rejoindre les forces françaises libres. Je veux participer aux opérations militaires. Vous avez combattu, je sais, pendant la Première Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, n'êtes-vous pas un peu vieux pour le service ? Je veux me battre pour mon pays. Vous dites que vous aimez la France. Et pourtant, vous avez abandonné votre famille et vos amis. Mais pas avant qu'ils ne soient en lieu sûr. Pourquoi n'êtes-vous pas venu avant ? Qu'est-ce que vous vous imaginez ? Que j'allais partir avec un visa délivré par Vichy ? J'ai appris que mon portrait figurait dans l'exposition « Les Juifs et la France ». Un jour, les policiers sont venus frapper à ma porte. Je n'avais plus le choix. Lisez mes livres. Ils vous renseigneront sur qui je suis. Absolument, monsieur Kessel. Même demain matin ? Combien de temps ça va encore durer ? Ça dépend. Quelques jours, plusieurs semaines. Et il y en a qui ne partent jamais d'ici. Oh, une dernière petite question. En 1942, quand votre mère est arrivée à Loch en zone libre, quel train a-t-elle pris ? Elle n'a pas pris le train, mais le car. Bonne réponse. C'était une question piège. Il n'y a pas de gare à Loch. Bienvenue en Angleterre, Joseph Kessel. Je peux partir. Mm-hmm. Il faut que je le dise à Maurice. Une voiture vous attend en bas. Guards, take him downstairs. Jeff, est-ce que tu vas ? Je m'en vais, Maurice. Je suis libre. Une voiture m'emmène. Pourquoi pas en autocar comme les autres ? La voiture, c'est pour ceux qui sont exécutés. Where do you take him ? Ne t'inquiète pas, Maurice. On va se retrouver bientôt. Rendez-vous à Londres ! On va où ? Je vous ai posé une question. Pourquoi ils ne me disent rien ? Maurice avait raison. D'habitude, les réfugiés qu'on libère vont à pied jusqu'au car. Cette voiture, les deux soldats casqués et muets, qu'est-ce que ça veut dire ? Il fait nuit noire. On a quitté les grandes artères. À présent, des petites rues. Londres, sans doute. À cause du blackout, on ne voit rien. Où on est ? Dans quelle langue il faut leur demander ? Au crépuscule, on vient chercher l'espion démasqué. On le conduit au poteau d'exécution, voiture militaire. Et si le capitaine avait mal compris mes réponses ? Si je m'étais trompé ? Non, c'est impossible. Où est-ce qu'on en est ? Get out of the car. André Bernheim. Oh, vieux renard argenté. Qu'est-ce que vous faites là ? Je voulais être le premier à vous saluer sur le sol anglais. Et tout ce secret, cette voiture ? Richard Boddington veut vous questionner. Qui est-ce ? Le responsable des services de renseignement britanniques. Il veut en savoir plus sur la résistance française. Encore ? Ça fait 3 jours qu'il me cuisine. Vous savez ce qu'on dit. L'espion un jour, l'espion toujours. André Bernheim, l'impresario parisien de Kessel, est à Londres chargé des relations publiques de De Gaulle et en même temps critique d'art dramatique pour la nouvelle revue France. Le lendemain, Joseph Kessel peut enfin se rendre au siège de la France libre, au 4 Carlton Gardens. Situé à 10 minutes de Buckingham Palace, l'immeuble a été prêté par Churchill à De Gaulle en juillet 1940. Sous la croix de Lorraine, l'emblème gaulliste, Kessel signe sur le champ son engagement dans les forces françaises libres. Le soir, Bernheim emmène Joseph Kessel à l'hôtel Ritz fêter son engagement. Dans ce palace fastueux, les plus fortunés oublient le temps d'une soirée, les tourments de la guerre. Les gens dansent, s'amusent. On dirait que la guerre est finie et gagnée. Un havre de paix en plein Londres. Maintenant que j'ai signé, quel sera mon rôle militaire ? Oh, vous verrez ça avec le général. Quand est-ce que je pourrai le voir ? Profitez d'être à Londres, Jeff. Ça doit vous changer. Ah, ça fait du bien de voir d'autres uniformes que ceux des Allemands. Alors, à nos retrouvailles et à votre future carrière à Londres. Je vais vous ouvrir les colonnes du journal France. Je ne suis pas là pour faire le journaliste. Eh bien, un livre alors. Sur le peuple de France qui se soulève contre l'occupant. Je vous l'ai dit, je ne suis pas venu ici pour écrire. Ah, un raid aérien. On n'en est plus aux pires heures du Blitz, mais de temps en temps, la Luftwaffe remet ça. André, je veux rencontrer le général rapidement. Si quelqu'un peut m'obtenir un rendez-vous, c'est vous. Un homme de votre talent combat avec la plume et non l'épée. Écrire quand les nôtres tombent sous les balles. Je veux intégrer l'armée de l'air. Laissez ça aux jeunes, à Maurice. Ladies and gentlemen, please go downstairs towards the shelter. Bon, on ferait mieux d'y aller. L'abri est au sous-sol. Rien que du beau monde. Jeff, vous venez ? Pourquoi si vite, Bernheim ? Vous ne voulez pas voir ? Si on a encore la baraka. Ce n'est pas le moment de jouer aux cartes. Rouge, c'est une fausse alerte, et noir, les boches bombardent. La roulette russe n'a jamais été mon fort. Venez, Jeff, allons à l'abri. Vous savez quoi ? Je vais me laisser tenter par un autre verre. Ils ont fermé le bar, Jeff. Et le général, où est-il ? À l'étranger. Où ça ? À Casablanca, il rencontre Giraud. Ce salopard a décidément la côte avec les Américains. Je ne comprends pas pourquoi Roosevelt n'a pas confiance en De Gaulle. Vous aurez votre rendez-vous à son retour. À la bonne heure. Au meilleur impresario de Paris et de Londres. Tiens, ça s'est drôlement vidé ici. Où ils sont tous les autres ? Au sous-sol. Venez. Ladies and gentlemen, un instant. Please go downstairs towards the shelter. Madame, vous ne venez pas ? Pendant que Bernheim suit les autres jusqu'au sous-sol, Joseph Kessel se rapproche d'une grande femme brune, seule dans la salle désertée. Je crois que c'est encore raté, le concert. Les boches n'ont pas l'esprit festif. Qui devait jouer ? Anna Marley, une grande chanteuse très célèbre. Vous connaissez peut-être ? Moi, je viens d'arriver à Londres, et puis la chanson n'est pas mon fort. Добрый час и с Богом. Que l'heure nous soit favorable et que Dieu nous accompagne. Vous êtes russe ? Comme vous, Joseph Kessel. Je vous connais, j'ai vu vos photos à Paris. Jeff ! Et vous, quel est votre nom ? Jeff, venez ! Votre ami vous appelle, je crois. J'arrive, André. Gardez-moi une place. Un grand courageux, même s'il l'ignore encore. Je vais vous présenter. Madame ? Parti de zéro à l'été 1940, les forces françaises libres, présentes maintenant sur tous les fronts, bénéficient d'un certain prestige, malgré des effectifs encore limités, entre 50 et 55 000 soldats, marins ou pilotes. En Angleterre, une école des cadets est installée à Worcester. Le corps des volontaires françaises compte environ 150 femmes. Mais les personnalités littéraires françaises de l'envergure de Kessel ne se bousculent pas à Londres près de De Gaulle. Le 26 janvier 1943, grâce à l'entremise d'André Bernheim, Joseph Kessel a enfin rendez-vous avec le général de Gaulle. Mais il y a un contretemps. Germaine Sablon, sa compagne, a été arrêtée 3 semaines plus tôt pour avoir écrit « Vive l'Irlande libre » dans un cahier d'autographe. des mots qui, en ce temps de guerre, ne plaisent guère aux autorités anglaises. Germaine doit être libérée aujourd'hui. Joseph Kessel l'attend avec impatience à l'extérieur de Scotland Yard. Germaine, par ici. Jeff, mon chéri. Je savais que tu m'attendrais. Monte, je veux pas être en retard. Carlton Gardens. Quick, please. Carlton Gardens? On a rendez-vous avec le général de Gaulle? J'ai rendez-vous avec le général. Toi, tu vas te reposer. Ah, ça fait 3 semaines que je me repose. Au frais de Scotland Yard. Tu l'as bien cherché. Écrire « Vive l'Irlande libre !» Au cas où tu l'aurais oublié, les Anglais nous accueillent. Maurice vient d'être libéré de Patriotic School. T'amèneras déjeuner. Déjeuner avec Maurice? Pendant que toi, tu parles politique avec le général de Gaulle? Et pourquoi moi, j'ai pas été invité? Après tout ce que j'ai fait dans notre réseau? Après tout ce que tu m'as caché. De peur que t'ailles te bourrer la gueule et que tu craches le morceau. D'ailleurs, c'est ce que t'as fini par faire. Monsieur l'agent, cette femme fait de la résistance. Et quand à la maison, elle reçoit son groupe armé, elle me fout dehors. Ouais, c'est vrai. Heureusement, le bougre était bon enfant. Tu m'as manqué, ces 3 semaines, tu sais, ma chérie. Ouais. T'en as pas profité pour faire connaissance des petites anglaises. À Londres, il n'y a que toi. Parce que t'as pas encore appris la langue. Et attends un peu. Quoi? C'est ici? Bouf. J'imaginais ça un peu plus grand. Bon. C'est l'heure d'y aller. Oui. N'oublie pas de lui parler de tous ceux que t'as aidé à fuir. T'es sûr que tu veux pas y aller à ma place? Pourquoi pas? Je suis artiste, moi aussi. Je suis fier de toi, chef. Qu'est-ce que tu racontes? Légion d'honneur, croix de guerre 14-18. Futur aviateur de la France libre. Oui, j'espère. Faut que j'y aille. Salut la France libre de ma part! Le général de Gaulle interroge Joseph Kessel sur la résistance en France, sur l'état d'esprit de la population. Pour le général, la victoire est inéluctable. Lorsque Kessel fait part de son souhait de rejoindre l'aviation, de Gaulle lui propose, à cause de son âge, de s'occuper plutôt de propagande. Malgré cette mauvaise nouvelle, Joseph Kessel sort de l'entretien subjugué, fasciné, gaulliste pour la vie. Eh bien, il s'est confié à moi. Il m'a demandé de sonder l'âme de la France. Pour lui, la guerre est bientôt finie. Plus que quelques formalités à accomplir. Quelques formalités. Quel homme. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais cessé de croire au destin de la France. J'ai envie de le croire. Ce que les Français occupés connaissent le mieux de la France libre, ce sont les émissions de radio retransmises par la BBC. 5h30 d'antenne, quotidienne, en français, diffusée grâce à l'équipe française de la BBC et l'équipe de la France libre. Un groupe de passionnés. Maurice Schumann, Jean Berlet, Jacques Duchesne. Leurs émissions, Honneur et Patrie et Les Français parlent aux Français. En mars 1943, Maurice Druon devient l'assistant de l'animateur Pierre Gillois. Et voici Radio Londres, ou plutôt le studio d'enregistrement. C'est là que je viens tous les jours. Ils ont tous hâte de te rencontrer. Voilà les Français qui parlent aux Français. Enfin des corps sur toutes ces voix. Et qui est Jean Berlet? C'est celui qui est assis là, sur le tabouret. Il revoit toujours son texte jusqu'à la dernière minute. Et au micro, qui est-ce? Monsieur Maurice Schumann. Quoi? Ce petit homme est massier et voûté? Avec une telle voix, j'imaginais un colosse. Moi aussi, je me souviens, oui. Quand on les écoutait à Paris. Les voix de la liberté. Et maintenant, tu es comme eux. Maurice Druon, de l'émission Honneur et Patrie. Attends, je ne suis pas encore animateur. Je me contente d'assister. Ah, pour le moment. Tu es jeune, Maurice. Patience. Tu avais quel âge quand tu t'es engagé en 1916? 18 ans. Mais je ne suis pas un exemple à suivre. C'est sûr. Il y a à apprendre et à laisser. Et un peu de respect pour ton oncle. Un bon conseil. Prends la littérature, laisse les excès. Moi, je t'emprunterai un bout de ta jeunesse. Tu n'es pas vieux. Peut-être même plus jeune que moi. Le général de Gaulle n'est pas d'accord avec toi. Tu finiras par te battre. Ouais. Nous, aujourd'hui, on riposte. Vichy se déchaîne contre Radio Londres. Ils brouillent les émissions, ils interdisent les radios étrangères. C'est dire qu'on leur fait peur. Une vraie guerre des ondes, Jeff. Même Céline s'y est mis. Céline? Qu'est-ce qu'il dit ? Que les Anglais ont brûlé Jeanne d'Arc, que ceux qui écoutent Radio Londres sont des malades du cerveau. Céline, Béraud, Monterland. Pire que des crapules de talent. Il faut réussir à les atteindre. Peut-être que toi seul, tu en es capable. Moi ? Mais pourquoi ? Parce que ce sont des intellectuels de renom, des écrivains, comme toi. Et de vieux compagnons de route, tu sais. Monterland et moi, on s'était juré qu'on ne deviendrait jamais ennemis. Mais je ne vois pas ce que je peux faire. Enfin, tu es Joseph Kessel, une célébrité. Ta parole a une valeur. Écris des articles. Mais par où commencer ? Par la vérité. Comme nous, à Radio Londres. Avant que l'émission commence, viens, je vais te présenter. Tu avais raison. De nous deux, c'est toi le plus mûr. Quatre chaises, quelques micros. Et à eux seuls, ils sont plus puissants que tous les généraux, toutes les armées. Leur voix transcende les frontières, se faufile entre les balles, entre dans les foyers isolés, touchant au cœur les Françaises et les Français. Le général a peut-être raison. C'est dur à admettre, mais c'est peut-être par les mots que je dois me battre. Joseph Kessel renonce au combat armé et passe à l'attaque par la plume. Dans son article « Comment est mort le maréchal Pétain », qui paraît le 6 mars 1943, en une du journal France, il accuse le vainqueur de Verdun d'avoir trahi la France. En quelques semaines, Kessel devient l'écrivain de la France libre. Dans les articles qui suivent, il nomme, juge et condamne les écrivains qui se sont ralliés à l'Allemagne. Puis, s'inspirant des faits d'armes de combattants comme Médéric et Jean Moulin, il s'attelle à un grand roman sur la résistance. Comment avance votre livre, Jeff ? Ah, c'est pas facile. Chacune des phrases doit être pesée pour ne pas mettre les camarades en danger. On a trouvé un titre, L'armée des ombres. Vous avez un éditeur ? Pas encore. Mais une chose est sûre, il faut que ce soit une maison d'édition française. Vous pourriez le faire publier à Alger. Bientôt, De Gaulle sera le seul maître à bord. Il ne faut plus parler du général en présence de Germaine. Il paraît qu'il l'aurait snobé. Ce geste de la main, petite merde avancée. Oh, c'était à la soirée de bienvenue. Il te faisait juste signe de l'approcher. Quand je pense que j'aurais donné ma vie pour lui en France, j'ai plus aucune sympathie pour cet individu. Emmanuel d'Astier est à Londres. Oui, je sais. Manet et moi, on est vieux amis. Il veut que je compose une chanson pour le maquis. Un chant de la résistance. Ah, pas mal. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Que je ne suis pas chansonnier. T'as pourtant une vieille dette envers lui. Quand il t'a proposé en 41 de faire partie du réseau Libération et que t'as refusé. On était dans un bar à opium. C'est une raison. Tout ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est d'adapter une chanson en écrivant de nouvelles paroles. André, mais aidez-moi à le convaincre. Après tout, pourquoi pas ? On ne paie rien à aller écouter cette jeune chanteuse, Anna Marley. Je ne vous ai pas dit son nom. Manet vous en a parlé, c'est ça ? Non, pas du tout. Oh, ça alors ? Regardez, le petit club français. Oh, c'est justement ici que cette Anna Marley se produit. Et si on entrait ? Vous avez manigancé ça tous les deux ? Non, tous les trois. Maurice aussi est dans le coup. D'accord. Allez, allons-y. Allez-y. Germaine et moi, vous rejoignons dans 5 minutes. Allez, vas-y. Joseph Kessel descend l'escalier et arrive au petit club français. Une salle étroite, enfumée et bondée. Dans la foule, il retrouve un visage familier. Vous ? Vous étiez au Ritz pendant le raid aérien ? Je suis partie sans dire au revoir. Vous n'êtes pas fâchée ? Pas du tout. Vous êtes venu écouter Anna Marley ? Oui, c'est ça. Il paraît que c'est une grande dame. Comme Marlène Dietrich et Edith Piaf. Vodka ? Jus de pomme. Et vous ? Comment vous appelez-vous ? Depuis quand êtes-vous à Londres ? Le pire moment. Mars 1941. Tous les soirs, les Allemands bombardaient. C'était irréel, comme dans un rêve. On ramassait les morts et puis on partait faire la fête dans les clubs bondés. Où avez-vous appris le français ? C'est un vrai interrogatoire du Patriotic School. Je suis arrivée à Paris en 1921. Ah, une famille de Russes blancs. Oui, en Russie, j'ai eu mon lot d'horreurs. Et maintenant, je suis projectionniste au Dominion Theatre. Ça vous plaît ? D'être dans le prolétariat jusqu'au cou ? Non, mais... On s'habitue aux salopettes et aux mains sales. La Russie, la France, l'Angleterre. Vous et moi, on est pareil. Doublement déraciné. À quel moment On cesse d'être un étranger, hein? Encore un peu de jus de pomme? Merci. Jeff, mon chéri! Ici mon oncle. Je vous laisse. Le concert va commencer. Bah, vous partez, mais c'est une habitude chez vous. Crois-moi, cette chanson-là va faire un tabac. On l'utilisera comme générique d'Honneur et Patrie. Et moi, je la chanterai. Encore faut-il que Jeff écrive les paroles. От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. C'est elle la chanteuse, c'est elle Anna-Marie. Je savais que ça te plairait. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. On est à l'abri ici, n'est-ce pas? Absolument, il n'y a rien à craindre. Не влетит, зверь не входит. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Elle chante pour les soldats, les marins et les ouvriers. Une générosité rare, un pouvoir d'alchimiste. Son chant transforme la tristesse glacée en joie. Tout prend sens, profondeur, dignité. Avec elle, le combat devient un acte d'amour. J'ai dû me présenter avant, mais j'étais tellement intimidée, monsieur Kessel. Arrêtez votre cirque. Mesdames et messieurs, vous aviez raison. C'est une chanson pour la France. Le 22 mai 1943, Joseph Kessel se rend avec Germaine Sablon et Maurice Druon dans le Surrey, dans une petite pension de famille. Les deux hommes se mettent au travail dans le salon. Sur un vieux piano désaccordé, ils retrouvent rapidement la mélodie d'Anna Marley. Joseph Kessel suggère des idées. Maurice Druon aide à les mettre en forme. En une heure, trois demi-feuillets sont couverts par l'écriture de Maurice. Joseph Kessel chante faux. Mais lorsque Germaine Sablon découvre les cinq couplets du chant des partisans, elle est émue aux larmes. Deux jours plus tard, la chanson est enregistrée par Germaine Sablon. Diffusée sur la BBC, elle est adoptée comme chant officiel de la Résistance. Germaine Sablon part à Alger, où le général de Gaulle, malgré le refus des Américains, est en train de l'emporter sur le général Giraud. Joseph Kessel, lui, reste à Londres, seul et en proie à ses vieux démons. C'est pas ça que je vous ai commandé. D'où notre tasse de thé. Chef, je t'ai cherché partout. Oui, s'ils se foutent de moi, me disent que c'est un jour sans, alors. Hein? C'est surtout le nouvel an tibétain. It's ok, I take care. Bien, un peu d'air frais te fera du bien. Mais non, je suis bien. Tu veux finir à Scotland Yard? Il paraît que t'as voulu assommer un policeman avec une chaise. C'était comme au Patriotic School. Ils ne voulaient pas croire qui j'étais. Mais viens. Pourquoi tu fais ça? Parce que Germaine est partie? Germaine, la hantise de la France, l'attente. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Oui. Pendant trop longtemps, j'ai cru en lui. En lui? Qui? De Gaulle? En Pétain. Après l'armistice, j'étais persuadé que la France continuerait de se battre. Puis les premières lois antisémites. Et moi, je n'ai pas voulu le voir. J'ai refusé de quitter la France. Tu n'as rien à te reprocher. Je ne suis pas venu assez tôt. Tu as toujours eu le cœur pur. Tu n'es pas mon Terlan. Tu as fait le bon choix. Tu entends? Oui. Notre chant des partisans. Qui sait? L'histoire ne retiendra peut-être que ça de nous. Au fait, un certain colonel Rémy veut te rencontrer. Il est dans l'armée de l'air. Fin septembre 1943, trois mois après l'arrestation de Jean Moulin par la Gestapo, Joseph Kessel à Londres termine son livre sur la résistance, L'armée des ombres, qui est publié à Alger. Distribué en France sous le manteau, il connaît à Londres un grand succès. Fin mars 1944, L'effondrement du fascisme italien, les défaites des Allemands en Russie, en Tunisie et en Italie laissent présager un prochain débarquement allié en France. La France combattante se tient prête à l'intérieur et à l'extérieur. Joseph Kessel se remet à rêver de combattre les armes à la main. Vous avez entendu parler du plan Sussex, André ? Oui. En France et en Belgique, des agents du renseignement doivent être parachutés sur une cinquantaine de points stratégiques. Le colonel Rémy m'a demandé de faire partie de l'équipe française. Dommage. Vous êtes trop vieux pour le service. Ben, naturellement, vous avez accepté. Naturellement. Mais c'est dangereux. On a peu de chances de s'en sortir. Il faudra s'habituer à l'uniforme anglais. Je ferai coudre dessus mes galons français. Félicitations, chef. C'est ce que vous vouliez. Il ne faudra pas oublier mes petites manies. Avant chaque vol, vous me souhaiterez «Vdobri chas izbogom». Vous ne serez pas toujours là sur le tarmac. Mais si. Vous serez là. Dans un autre avion. Hein ? Le colonel Rémy m'a demandé de choisir mon équipe. Alors j'ai donné votre nom. Mon nom ? Je lui ai dit que vous aviez une vraie âme de guerrier. Eh bien... D'accord, chef. J'accepte. La France va être libérée. C'est vrai. J'aimerais y être pour quelque chose. Bien dit. Je m'en doutais un peu. C'est pourquoi je vous ai emmené directement ici. Le terrain Aldershot est de l'autre côté de la plaine. Classé top secret. Venez. Je vais vous présenter. Vous arrivez à vous faire comprendre ? C'est des genoux. Boivent pas, fument pas. Mais on joue aux échecs. C'est pour bientôt, Jeff. Oui. On va rentrer chez nous. Entre mars et août 1944, Joseph Kessel effectue des missions difficiles et dangereuses en France. Entre les vols, il partage les repas avec les cadets anglais. Profondément superstitieux, il insiste pour que son ami André Bernheim déclame « «Dvobri chas izbogom» » avant les décollages. À 45 ans, Joseph Kessel retrouve l'enthousiasme de ses 20 ans. Sa compagne, Germaine Sablon, partie rejoindre ses fils à Alger, s'éloigne définitivement. Engagée dans la résistance, elle part combattre à Tripoli avec les Spears, une unité médicale franco-anglaise. Lors d'une permission à Londres, Joseph Kessel se console dans les bras d'une ravissante franco-irlandaise, Michelle O'Brien, qui devient sa troisième épouse. En 1944, après des missions de propagande à Alger, le jeune Maurice Druon devient correspondant de guerre auprès des armées françaises. La chanteuse, Anna Marley, continue de se produire à Londres jusqu'à la libération. Le 6 juin 1944, Joseph Kessel apprend, depuis sa base aérienne, que le jour J est enfin arrivé. Le débarquement allié commence en Normandie. La bataille de France a commencé. Derrière le nuage, si lourd, de notre sang et de nos larmes. Dans les haut-parleurs, après le fameux discours du général de Gaulle, la bataille de France a commencé, le chant des partisans retentit. Joseph Kessel exulte. Et le 18 août 1944, il survole la France et sa capitale qui s'apprête à se soulever. Ça y est. Paris. L'insurrection va bientôt commencer. J'ai envie de me jeter en parachute, de rejoindre ceux qui en bas vont déclencher la guérilla. Une tache de velours sombre, au milieu de la Seine. Je connais chaque courbe de la ville, chaque pli du fleuve. Je serai bientôt de retour. Je vais retrouver ma mère, mes amis. Mais comment vont-ils ? Et la France ? On ne passe pas à travers des années pareilles sans changer. Qu'est-ce que c'est ? Un chasseur allemand ? «Vdobri chas izbogom». Un mosquito anglais. Fausse alerte. C'est une émotion folle. Je n'ai jamais ressenti ça. Enfin, en première ligne. J'ai servi la France par la plume et par l'épée. Joseph Kessel, résistant, capitaine de l'armée de l'air et romancier.

Girls into the Surf sur France Inter, Autant d'emporter l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Gilles Gaillard. Olivier Weber, on a quitté donc Joseph Kessel, 46 ans, volant au-dessus de Paris le 18 août 44, la veille de l'insurrection, quelques jours avant la libération de Paris. Quelle euphorie ça a dû être pour lui, on imagine ce sentiment, cette griserie. Oui, bien sûr, parce que évidemment cette libération, il l'a voulu, il l'a pressenti un peu comme De Gaulle, c'est-il dit dans la fiction, il s'est battu pour, absolument. Et puis très tôt, donc comme on le disait tout à l'heure, il a pressenti cette montée du nazisme dans les années 30, d'ailleurs quand il va couvrir la guerre d'Espagne, un petit peu tardivement d'ailleurs, ce qui lui vaut les railleries, les moqueries de Malraux et de Hemingway, eh bien, ils pressentaient tous les trois, Hemingway, Malraux et Kessel, que la guerre d'Espagne, c'était la préfiguration de ce qu'allait arriver. Évidemment, donc, cette résistance était très, très importante pour Kessel. Je signale quand même que lorsqu'il était sur la Côte d'Azur, caché dans le réseau Carte qu'on évoque dans votre très belle fiction, avant qu'il ne parte à Londres avec Germaine Sablon, eh bien, il va convoyer des agents britanniques, il va convoyer des armes, il va convoyer des munitions et même des faux papiers jusqu'à Vichy, tenez-vous bien. Et c'est assez drôle parce que il est donc caché par une de ses maîtresses, Germaine Sablon, donc sur la Côte d'Azur et à Agay, et il assiste à des débarquements à la pleine lune, soit avec des boutres, donc en fait des sortes de voiliers qui arrivent de Gibraltar, soit des sous-marins, et c'est là où il retrouve le fameux Major Boddington, qui était en fait un ancien journaliste du Daily Express, et qui devient le chef du SOE, les services secrets britanniques, pour le Sud-Est. Il lui dit, surtout, tu ne dis rien, je suis ici sur la Côte d'Azur pour être réembarqué dans le sous-marin britannique incognito. Donc c'est une libération qu'il a vraiment espérée, bien sûr. Dans votre livre, Olivier Weber, vous dites que c'est dans l'aviation que Kessel a puisé sa philosophie de l'action. Alors pourquoi l'aviation et puis qu'est-ce que c'est que cette philosophie de l'action ? Eh bien c'était d'une part la réelle fraternité qu'il a connue dans la guerre, qu'il à Oni, comme beaucoup de reporters de guerre, on hait la guerre, on va franchir des barrières de feu pour voir ce qui se passe de l'autre côté, où des gens, des hommes et des femmes continuent de vivre ou de survivre. Eh bien, lui, il a trouvé cette philosophie de l'action qui est une sorte d'engagement, grosso modo, pour aller dénoncer justement cette guerre, cette folie de la guerre, qui va ne faire que se répéter, en fait. Et quand on est reporter de guerre, je peux vous dire qu'on en voit beaucoup des guerres, et on a tendance quand même un petit peu les pressentir. Absolument, j'ai couvert une vingtaine de guerres à peu près. Et lui, Kessel, donc, a trouvé, pour répondre à votre question, une vraie fraternité, un peu comme Romain Gary aussi, avec les compagnons d'armes qui étaient les aviateurs, les As des As, parce qu'il y avait une camaraderie, il y avait aussi une fidélité, il y avait une amitié, j'irais presque une loyauté chevaleresque. Et ça, c'était très très important, c'était presque la seule famille que lui, Kessel, ait connue tout au long de sa vie. La rencontre de Kessel avec De Gaulle a été un grand moment, je crois, dans sa vie. Je vous propose d'entendre justement Kessel en parler. C'était en 1969 à l'ORTF. Il est interviewé par Michel Droit. Naturellement, c'est un souvenir inoubliable pour moi. C'était un être mythique que j'avais entendu à la radio avec toutes les difficultés que ça comportait en France occupée, dont la voix nous a tous soutenus, enfin ceux qui étaient pour la lutte contre l'occupant. Sa taille, son visage, tout m'a fait une très forte impression. Et il a commencé par m'interroger sur la France pour savoir ce qui se passait. Il m'a écouté longuement, attentivement. Quand ça a été fini, j'ai commencé, moi, à lui poser des questions. Et la première, assez bête d'ailleurs, mais toute naturelle, j'ai demandé, mon général, qu'est-ce que vous pensez de la guerre ? Et alors, c'est la première fois où j'ai eu le sentiment de ce survol abstrait de l'histoire qui s'est résumé là dans une formule que je n'oublierai jamais. Il m'a répondu, mais c'est gagné, voyons. Il y a évidemment encore quelques formalités à remplir. Il faut penser que c'était en janvier 43. Pour lui, tous les combats qui allaient se dérouler n'étaient plus que des formalités. Oui. C'était donc Joseph Kessel en 1969. En De Gaulle, il admirait plus l'homme ou les idées ? Kessel. Je dirais l'homme qui incarnait la France de la résistance aussi, la France de la France libre. Et il faut voir que lorsqu'ils se rencontrent tous les deux en 1943, donc De Gaulle a lu l'équipage, mais ce sont finalement deux guerriers qui se font face. Kessel est lui-même donc un engagé de la Première Guerre mondiale, comme on le disait tout à l'heure, à 20 ans. Et puis aussi deux écrivains. De Gaulle, comme Churchill, était un grand écrivain. Churchill, ça a fait un prix Nobel de littérature. Les mémoires de De Gaulle sont incroyables. Et donc, il y a une confrontation aussi de deux hommes qui incarnent la France, quelque part, la France du combat, la France de l'engagement, la résistance, mais aussi la France des des lettres de la littérature depuis deux siècles. Ouais, ce sont des hommes Kessel, lui, il n'est pas né français, donc il y a quelque chose qu'il a acquis par ses actes. Absolument, donc c'est un petit peu ce que disait son petit frère Romain Gary, qui disait que je n'ai rien de français, mais c'est toute la France qui coule dans mes veines, et je trouve ça très très beau. Donc oui, il était juif de cœur, il le disait lui-même, et en même temps français de cœur dès sa naissance. Et Kessel, il a revu De Gaulle par la suite, oui, il l'a notamment revu. Au moment de quand il a été accueilli à l'Académie française. Tout à fait, il a été élu en 1962, il avait donc 64 ans, reçu deux ans plus tard en 64. De Gaulle donc l'a reçu à l'Élysée. Ce qui est très drôle d'ailleurs aussi, c'est qu'il voit De Gaulle, mais Kessel, avant d'être élu, et c'est encore une fois quelque chose qui était très très important pour lui, vous savez à qui il demande conseil pour entrer sous la coupole, pour aller voir la grande dame du Quai Conti ? À la mafia, à la pègre, aux bandits de Paris, puisqu'il avait encore des accointances et des amitiés, comme il l'a fait toute sa vie avec les bandits, les mafias et la pègre, de Beyrouth à New York, de Berlin, qui l'informait beaucoup d'ailleurs, la pègre berlinoise jusqu'à Paris. Et la pègre, les bandits lui disent « Mais évidemment, Joseph, faut que tu rentres à la coupole, c'est un honneur pour toi et pour nous. » Et c'est comme ça qu'il est rentré à l'Académie française. Et le chant des partisans, c'est assez incroyable cette histoire, cette chanson écrite un peu à la va-vite, comme ça, très inspirée, mais en même temps, rapidement... Elle accompagnera Jean Moulin au Panthéon en 1964 avec les paroles de Malraux. Oui. Est-ce qu'il avait une idée, Kessel, de la postérité de ce texte et de cette chanson ? Non, pas du tout. C'est écrit dans le Surrey, donc un jour du week-end dans une auberge au sud-ouest de Londres avec son neveu Maurice Orion qui est très très jeune, qui a 24-25 ans. Ils s'embêtent un peu tous les deux, mais ils savent que ça va être un grand chant. Mais ils ne savaient pas en même temps que ça serait pratiquement le deuxième chant patriotique français après la Marseillaise. Et en même temps, il était emporté par cet élan créatif, mais surtout par l'envie d'accompagner les résistants, puisqu'il était en train d'écrire ce roman qui s'appelle L'Armée des Ombres, qui est un livre, je rappelle, très courageux. Pourquoi ? Parce qu'on est en 43, De Gaulle lui demande non pas d'aller se battre, mais de rester avec lui pour écrire un livre sur la résistance. Et Kessel, en 1943, qui connaît bien la résistance et pourquoi, c'est un résistant du réseau CART, ne va pas faire un roman manichéen totalement dichotomique sur les bons résistants et les méchants collabos, ou les méchants nazis, etc. Il fait un livre qui est traversé par des courants, avec des trahisons au sein même de la résistance. Et c'est très courageux. Ça nous inspire encore. Et L'Armée des Ombres, c'est un livre qu'on peut lire aujourd'hui encore, qui se lit bien. Oui, comme Les Cavaliers, comme Le Lion. Pourquoi ? Parce que c'est un livre de l'engagement, c'est un livre de la résistance. Moi, je pense beaucoup aux Kurdes. Je m'en rends prochainement au Kurdistan d'Irak et puis dans d'autres régions, on va dire, sans les nommer. Et donc voilà, Kessel est d'actualité, ça nous inspire, nous les écrivains, nous les grands reporters. Et je dirais simplement aussi que Kessel était de l'un de ceux qui ont ouvert des voies en explorant cette différence a priori abstraite entre le roman et le reportage. Et pour lui, il n'y avait pas de frontières. Et je crois beaucoup à ça. Il y a très peu de frontières entre le réel et le romanesque. Il faut réenchanter le réel avec l'écriture de roman. C'est ce qu'on essaie de faire à notre niveau dans cette petite émission. Et très bien. Merci Olivier Weber. Merci à vous. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, du Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel, paru chez Plon, et en 2006, de la biographie illustrée Kessel, nomade éternel, chez Artaud. Je signale également la sortie en avril de deux volumes de romans de Kessel dans la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard, et la revue Livre 7 prépare un numéro spécial sur Kessel justement avec des textes inédits, notamment je crois que vous avez collaboré Olivier Weber à ce numéro. Oui, c'est vrai. Autant n'importe l'histoire est terminé pour ce soir. Cette émission et toutes les précédentes, vous pouvez bien sûr les réécouter ou les podcaster sur notre site franceinter.fr. Vos commentaires sont les bienvenus sur le site ou bien sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons au Mexique dans les années 20 en compagnie d'une femme flamboyante, Tina Modotti, photographe de talent, grande amoureuse et militante communiste, surnommée à tort ou à raison la Matahari du Comintern. Tina Modotti, une photographe engagée, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Thank you.